un gros popo. L'habitude t'es low. J'suis sous grosse mélo. J'suis sous grosse moula. Tu fais le foufou, reste tranquille. Le mec du zouzou, reste tranquille. J'nique tout, tout le son est en pile. J'leur récroque le coucou comme un vampire. J'fais mal comme Ben Arfa ou Dembélé. J'suis devant le mic, on me dit zengueulé. J'fais ma vie à l'aise, ils veulent m'interpeller. J'aimerais me voir derrière les barbelés. Quand j'pense qu'y'en a qui passent aux assises. Y'en a qui guettent sur la chaise assis. En mode ghetto, ghetto, non y'a rien de facile. Non y'a rien de facile. Mais méfie tout, tout, tout, j'suis dans les temps, temps, temps. Tiens, bois un coup, coup, coup. J'vois que t'es sur les dents, dents. J'me méfie tout, tout, tout, j'suis dans les temps, temps, temps. Tiens, bois un coup, coup, coup. J'vois que t'es sur les dents, dents, dents. Une vie de dingo, ça veut les bimbo. La rente du bingo, ça veut récupérer le bendo. Par balle sur le manteau, c'est la mentalité de toi, no tengo. No tengo, no tengo, no tengo. No tengo, no tengo, no tengo. Lâche-moi, j'vais tout casser. T'as fait le pain, ben faut tout tasser. Elle t'a chauffé, elle t'a tout passé. T'as trop cassé, t'as le dos cassé. Viens pas me faire la morale. Un de ces quatre en morage. Parle pas, tes potes font la chorale. J'ai mis deux jambes, j'ai mis deux bras. Brim brim, c'est le bruit du Audis. Pour les dames maladaï sur les kilotypes. Hein, sur la Minucci. Ce soir j'suis avec ma Monica Bellucci. Scotché, du week-end à Saint-Tropez. J'suis vénère, viens pas me chauffer. Y'a le buzz mais je suis OP. C'est la mentalité de toi, no tengo. No tengo, no tengo, no tengo. No tengo, no tengo, no tengo. Me fais pas la bis, j'fuis mon cannabis. Me fais pas la bis, j'fuis mon cannabis. Faut pas chauffer la puce, on se jette à l'air un plus. Faut pas chauffer la puce, on se jette à l'air un plus. Une vie de dingo, ça veut les bimbo. L'argent du bingo, ça veut récupérer le bendo. Par balle sur le manteau, c'est la mentalité de toi, no tengo. No tengo, no tengo, no tengo. No tengo, no tengo, no tengo.